Après avoir brossé le portrait de Charles XII, Voltaire brosse celui de son illustre adversaire, le futur Pierre le Grand. En voici quelques extraits.